Si tu crois qu'un jour je pourrais me passer de toi, ça n'y compte pas. Si tu crois qu'un jour je pourrais vivre sans toi, n'y pense même pas. Regarde-moi, écoute le son de ma voix, et tu verras qu'un jour notre amour brillera comme un feu de joie. Je relève le défi, dis-moi si tu en as envie. Avec toi, aujourd'hui, en enfer ou au paradis, je t'emmène avec moi où tu voudras. Bébé, fais une croix sur cette vie qui t'a trop souvent délaissé. Si tu crois qu'un jour je pourrais me passer de toi, ça n'y compte pas. Oh. Et si tu crois qu'un jour je pourrais vivre sans toi, ne pense même pas. Yeah. Oh, regarde-moi, écoute le son de ma voix. Ooh. Et tu verras qu'un jour notre amour brillera comme un feu de joie. C'est vrai, je sortais la nuit, te laissant seul dans ton lit, dans tous les midi, minuit, et même dans les danses sales parties. Oui, je t'ai laissé pour mes amis. Oh oui, j'avais sans doute perdu l'esprit. Maintenant, plus rien ne va, tu crois ce que tu ne vois pas. Maintenant, tu doutes de moi. C'est toi et moi, j'ai fait un tri dans tout ça. Si tu crois qu'un jour je pourrais me passer de toi, ça n'y compte pas. Si tu crois qu'un jour je pourrais vivre sans toi, n'y pense même pas. Regarde-moi, écoute le son de ma voix, et tu verras qu'un jour notre amour. Je fais le vœu pour tous les deux, un homme amoureux qui brave le feu. Oh baby, prends-moi au sérieux, faisons le vœu, oui, tous les deux, d'être avec toi, rien que pour toi. Je te veux dans mes bras. Je veux ta peau salée, sous mes baisers sucrés, de sentir palpiter. Ça n'y compte pas. Et tu verras qu'un jour notre amour brillera comme un feu de joie.